Ok, donc on commence aujourd'hui le cours numéro 10 dans le livre de Cheikh Abd Salam. Et le titre de cette partie c'est At-Tahdhiru min al-Asalib al-Mu'addiyati ila Mufaraqati Jama'at al-Muslimin. C'est-à-dire l'avertissement contre les j'ai dit al-Asalib, c'est pas al-Asalib, al-Asalib c'est al-Asbab. At-Tahdhiru min al-Asbab. Al-mu'addiati ila mufaraqati jama'ati al-muslimin. C'est-à-dire l'avertissement contre les causes qui vont avoir comme conséquence la division de la jama'a des musulmans. Et il y a huit conséquences, ou huit causes qui sont mentionnées ici par le cheikh. Et au dernier cours, j'avais fait l'énumération de ces huit causes. La première, on avait dit, c'était al-ijtima'at as-sirriya, les groupes, les organisations et les groupes secrets. Le deuxième, c'est at-tahazzub, hein, le fait de se diviser en groupes et en parties. Ça fait partie des causes de la division des musulmans et de la mufaraqat al-jama'a. La troisième, c'est mukhalafat al-shar' fi tariqat al-amr bil-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar. La contradiction de la charia dans la façon d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Al-rabi', ittiba'ul hawa, le fait de suivre la passion. Khamisan, at-tawani fi al-qada'i ala budhur al-khuruj, c'est-à-dire de trop retarder dans la façon d'enrayer les bourgeons de la révolte, hein? Les débuts de la révolte. Donc des fois, on laisse trop traîner les choses, on les laisse trop évoluer, et une fois que, comme on dit, une fois que c'est devenu trop, après, on ne peut plus l'arrêter. Donc il faut commencer depuis le début, lorsque ça commence, les semences de la révolte. Hein? Il faut commencer depuis que ça commence au début, et non pas attendre à ce que ça devienne trop grand, trop important, et puis après on n'est plus capable de le contenir ou de le contrôler. Issa'atu dhann bi wulat al-amr, de penser du mal des dirigeants. Ça aussi c'est très mauvais. Et on vit à une époque où les gens pensent du mal de tout le monde. Hein? Pas seulement des dirigeants, mais de tout le monde. Les gens ils pensent du mal de tous les autres. Yani, même les gens qui sont les plus proches d'eux, alors que dire de ceux qui sont au pouvoir? Donc, il ne faut pas avoir des mauvaises pensées sur les gens ou penser de façon négative sur les gens, en particulier nos dirigeants et nos ulama. Le septième, sabboul wulat, les insultes des dirigeants. Ça aussi, ça fait partie des causes. Et at-tasaddur lil-ilm al-shar'i min juhalin fil haqiqa. Des gens qui prennent le devant de la da'wa ou de la science et de l'enseignement, mais qui sont en réalité des ignorants. Et à cause de leur ignorance, eh ben, ils créent des réactions qui font que les gens se révoltent parce qu'ils appellent à ces choses-là et ils ne savent pas que ces choses-là sont en contradiction avec la sunna. Donc, on va commencer avec les premiers points qui sont mentionnés. Donc, l'introduction de ça. Le cheikh Abd Salam, rahimahullah, il dit: مفارقة جماعة المسلمين والخروج على إمامهم سبيل من سبل الشيطان الرجيم يسعى إلى تكثير السالكين فيه رجاء كثرة أتباعه الذين قال فيهم كما حكى الله تعالى عنه قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقد اتخذ الشيطان أعاذنا الله منه شباكا كثيرة لإيقاع فئام من الناس في هذا السبيل السيء الذي كان أول معول هدم من الداخل في بناء الدولة الإسلامية يوم أن خرج الخارجون على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. Donc le cheikh il explique, il dit que la division de la jama'a des musulmans, تشعرون بالبرد قليلا, On peut monter le chauffage un peu si vous voulez. Ça va aller, frère, inshallah. Donc, la division de la Jama'a des musulmans et la révolte contre leurs dirigeants, c'est une des voies parmi les voies du diable, hein, le shaitan. Et il essaie, yani, par ce moyen-là, d'augmenter le nombre des gens qui vont suivre cette voie. Et yani, il espère avoir plus de fidèles, hein, parmi les hommes en les appelant à ce chemin-là. Et le cheikh, il a cité les versets 39 à 42 dans sourate Al-Hijr. Dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne comment l'acharnement du shaitan et son intention de vouloir égarer tous les hommes. Donc, c'est les versets 39 à 40, à 42. Il dit, dans ces, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets-là, il dit, « Ô mon Seigneur, hein, donc ça c'est Iblis, hein, c'est Shaitan qui dit ça. Il dit, ô mon Seigneur, donc il reconnaît que Allah subhanahu wa ta'ala c'est son Seigneur, hein, malgré que c'est lui le Shaitan. Donc le fait de, ça c'est une preuve que le fait de reconnaître l'existence d'Allah et qu'il est le Seigneur des mondes, ça ne fait pas de quelqu'un un croyant. Puisque même Iblis, il dit, hein, Rabbi. Et il dit, parce que tu m'as induit en erreur. Et là, on voit comment il est malhonnête envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'au lieu de reconnaître son tort et d'accepter sa culpabilité et de reconnaître son péché et de demander pardon à Allah, il essaie d'accuser Allah, subhanahu wa ta'ala, et de blâmer le qadar. Il dit, bima arwaytani, parce que tu m'as induit en erreur. Hein, parce que tu m'as dévié. Eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et je les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Donc, il veut se venger de son propre péché sur les, hein, sur Adam et ses fils, hein, et les êtres humains, en essayant de les égarer du droit chemin. Hein. Il dit, je leur enjoliverai la vie sur terre et je les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus, de tes serviteurs sincères. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond en disant, Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, donc il dit à Iblis, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Hein? Donc ça c'est la preuve que yani, le shaitan il essaie d'égarer les êtres humains, de les amener vers le mauvais chemin, vers l'égarement. Et le shaitan il a essayé, hein, d'établir beaucoup de pièges pour essayer de faire tomber un grand nombre d'êtres humains dans les mauvaises voies, que Allah nous en préserve. Et il dit, et donc la première yani, la première façon d'y arriver, c'est d'essayer de détruire l'islam de l'intérieur, de détruire l'État musulman et le pays musulman à partir de l'intérieur. Et ça, c'est arrivé à l'époque de Amir al-Mu'minin Uthman, radiyallahu anhu, lorsque certains d'entre eux se sont révoltés contre le khalifa Othman ibn Affan. C'était la première fois qu'il y a eu ce genre de révolte dans l'histoire de l'islam. Il n'y avait pas eu de révolte, hein, à l'intérieur de l'État musulman ou d'un pays musulman avant cette époque-là, avant qu'est-ce qui est arrivé à Othman, radiyallahu anhu, qui est terminé par son assassinat. Hein. Il a été assassiné, radiyallahu anhu, par ses khawarij. Et le cheikh, il dit ensuite, « Wa innahu la adarra ala l'ummati l'islamiyya » من تلك الشباك التي يدخل بها الشيطان عن طريق بعض المنتسبين إلى الدين ممن انحرفوا عن السبيل السوي إذ الشيطان يسعى إلى إضلال العباد عن طريق الشهوات التي إذا لم يقدر على ذلك اتخذ طريق الشبهات لإضلالهم ومما روي عنه أعاذنا الله منه أنه قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون. فمن تلك الشبهات والأهواء التي نصبها الشيطان في هذا المجال الاجتماعات السرية. هذا أول شيء. Donc le cheikh il dit que il n'y a pas eu rien de plus nuisible pour les pays musulmans que ces pièges par lesquels le diable est entré chez eux, et il a réussi à ramener beaucoup d'entre ceux qui prétendent appartenir à la religion et être religieux et à les faire dévier du droit chemin par ces méthodes-là. Ça dit que c'est des gens, voici, si c'était des gens qui n'étaient pas religieux, des gens qui étaient dans le péché, et l'égarement et l'éloignement de la religion, et qu'ils agissaient de cette façon-là, on comprendrait d'une certaine façon, parce qu'on dirait, bon, c'est des gens qui n'ont pas de, qui n'ont pas de pratique, qui n'ont pas de religion, qui n'ont pas de, qui se rapprochent pas d'Allah. Mais lorsqu'on voit quelqu'un qui est religieux, qui pratique sa religion, et qui fait beaucoup d'efforts pour lire le Coran, pour apprendre la sunna et des choses comme ça, et qui prétend être yani musulman, puis que par la suite, il fait ce genre d'action-là, et il se rebelle contre les dirigeants, alors là, on commence à trouver ça étrange, parce qu'on dit, mais comment quelqu'un religieux, il contredit l'islam en faisant ce genre de choses? Eh bien, c'est parce que le shaitan, il essaie par tous les moyens d'égarer les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala par la voie des, des passions et des désirs et des tentations. Et s'il n'est pas capable de les attirer par les tentations et par les désirs, eh bien, il va utiliser les shubuhat, les shubuhat pour les égarer. Et les shubuhat, c'est quoi? C'est des choses, c'est des faux semblants d'arguments ou de preuves, des choses que le shaitan essaie de faire paraître comme étant une vérité, alors qu'elles sont en réalité fausses. C'est comme si il leur montre des choses fausses, mais il leur fait paraître ces choses-là comme si elles étaient vraies. Et ils essaient de les mélanger et de les confondre dans leur compréhension de la religion. Donc, yani, de leur faire accepter des choses qui sont contraires à l'islam au nom de l'islam. Et c'est ça que beaucoup d'entre les shayatines essaient de faire. Que ce soit des shayatines parmi les djinns ou les shayatines parmi les humains. Et il dit, le shaykh, ensuite, que parmi les choses qui ont été rapportées par les ulama, qui ont été rapportées de la part du, comme c'est des propos du shaytan, qu'est-ce que le shaytan dit, malgré que ça c'est une parole qui est faible, c'est-à-dire que la narration, la chaîne de transmission de cette parole, elle n'est pas authentique, elle est rapportée selon Ibn Abi Ya'la, mais même si elle n'est pas authentique, mais sa signification, elle est réelle. Parce que c'est réellement des choses que le shaitan pourrait dire. Il dit, j'ai fait périr les hommes par les péchés, en leur faisant commettre des péchés. Et eux, ils m'ont fait périr en disant « La ilaha illallah » et en demandant pardon à Allah. Alors, lorsque j'ai vu ça, il dit, lorsque j'ai vu ça, eh bien, je les ai fait périr par des passions. Alors, ils pensent qu'ils sont toujours bien guidés. Et pour mieux comprendre cette parole de Iblis, ou cette parole qui est attribuée à Iblis, pour mieux la comprendre, je pense qu'il y a une parole d'un des salafs qui est, je pense, Soufiane, pas Soufiane, Younous, pas Younous, c'est l'imam, comment il s'appelle? L'imam Soufiane, non, c'est pas Soufiane. J'ai oublié son prénom, mais c'est l'imam As-Sakhtiani, Abu Ayyub, Hey, Abu Ayyub, l'imam Ayyub al-Sakhtiani. Il dit dans cette parole, yani, le sens de qu'est-ce qu'il explique dans cette parole, c'est quoi? C'est que la bid'a, elle est préférée par le diable que le péché. C'est-à-dire que le shaitan, il préfère les innovations et les bid'a au péché. Et il a expliqué pourquoi. Il a dit parce que les péchés, lorsque les gens, comme les croyants, commettent des péchés, eh bien, ils savent que c'est quelque chose qui est haram. Alors, ils se penchent vers la repentance et demandent pardon à Allah. Le shaitan, il n'aime pas ça. Le shaitan, il n'aime pas que les gens se repentent et qu'ils demandent pardon. Alors, il préfère la bid'a. Pourquoi il préfère la bid'a? Parce que dans la bid'a, la personne qui fait une bid'a, elle ne pense pas qu'elle est en train de désobéir à Allah quand elle le fait. Elle pense qu'elle est en train, au contraire, de se rapprocher d'Allah et de faire qu'est-ce que Allah aime. Alors, elle ne va jamais s'en repentir. Elle ne va jamais demander pardon. Alors, ça, c'est une façon que le shaitan utilise pour égarer les hommes encore plus profondément. En pensant qu'ils sont bien guidés à cause des passions et des désirs et des shubuhat qu'ils ont dans la religion. Et c'est pour ça que les shubuhat et les bid'ah sont extrêmement dangereuses dans la religion parce que elles égarent les gens sans qu'ils ne s'en aperçoivent, sans qu'ils réalisent qu'ils sont égarés. Et parmi ces choses-là, qui font partie des shubuhat et des passions que le shaitan a établies pour essayer de faire tomber les hommes dans l'égarement au sujet de la jama'a, il y a al-ijtima'at al-sirriya. Al-ijtima'at al-sirriya, c'est-à-dire les réunions et les groupes et les organisations qui sont faites en secret. Et il y a toutes sortes de ce genre d'organisations ou de rassemblements secrets que des gens de bid'a font dans des pays musulmans pour essayer justement de s'opposer à l'autorité du dirigeant ou pour contrer le dirigeant. Ils ne peuvent pas le faire en plein jour. Ils ne peuvent pas le faire devant tout le monde. Parce que s'ils font devant tout le monde va savoir que qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer, c'est des choses qui sont mauvaises. Alors, ils se réunissent en secret. Exactement. Ils risquent de se faire arrêter parce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire des magouilles, comme on dit. Alors, le cheikh, il dit, « Al-ijtima'at al-sirriya, akhrajalla laka'if al-sunnah anil imam al-awza'i, qala Amr ibn Abdelaziz, ou qala Umar ibn Abdelaziz, rahimahullah, وإذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة لقد تنبه سلفنا الصالح قديما إلى خطر الاجتماعات السرية وما تفضي إليه من شر مستطير على المجتمعين أنفسهم وعلى عامة المسلمين فاحذروا منها وحاربوها إذ هي نواة الضلالة. Donc le cheikh il mentionne pour commencer à propos de ces associations ou de ces rassemblements secrets, qu'est-ce qui a été rapporté par l'imam al-Lalakai dans son livre As-Sunnah, selon l'imam al-Awza'i, qu'il a dit que Omar ibn Abdul Aziz, qui était le khalifa et qui était un homme pieux aussi en même temps, parmi les salaf al-salih, rahimahullah, je pense que c'était le petit-petit-fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Omar ibn Abdul Aziz, il est connu dans l'histoire. Et il dit, ce khalifa, lorsque vous voyez des gens qui parlent en secret, dans leur religion, des choses qui sont, des choses de la religion, ils en parlent en secret, et qui disent des choses en secret qu'ils ne disent pas devant les gens en général, alors sachez qu'ils sont en train d'essayer d'établir un égarement. Ils sont en train d'essayer d'établir un égarement. Et le cheikh, il commente sur cette parole-là en disant que nos pieux prédécesseurs, dans le passé, ils ont porté une attention à ces réunions et à ces rassemblements secrets parce que ce sont des choses qui amènent à qu'est-ce qui est mal. Ça ramène à un mal qui est généralisé Et c'est un mal qui est généralisé non seulement pour ceux qui se réunissent eux-mêmes, parce que ça va leur causer du tort à eux, mais ça va causer du tort aux musulmans en général aussi par la suite. Alors, prenez garde à ce genre de réunions secrètes et combattez-les, parce que ce sont les noyaux de l'égarement. Ce sont les noyaux de l'égarement. Il dit ensuite, فَإِنَّ الضَّلَالَ أَوَّلُ مَا تَخْرُجُ فِي الْأُمَّةِ تَكُونُ سِرًّا بَيْنَ أَشْخَاصٍ جَلِيسُهُمُ الشَّيْطَانِ يُزَيِّنُ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ يُزَيِّنُ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَيُلْهِمُهُمْ أَنَّ الصَّوَابَ مَعَهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ وَأَنَّ غَيْرَهُمْ عَدُوٌّ لِمَا وَصَلُوا إِلَيْهِ مِمَّا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ فَإِذَا رَسِخَتْ هَذَا الْأُمُورُ إِذَا رُسِخَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ فِي أَفْئِدَتِهِمْ وَأَصْبَحَتْ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الْجِدَالَ أَوْ لَا تَقْبَلُ الْجَدَلَ انْطَلَقُوا وَالشَّيْطَانُ فِي رَكْبِهِمْ يَبْثُّونَ الْبَاطِلَ فِي صُورَةِ حَقٍّ ويضلون شباب الأمة وعامتها بما يلبسون عليهم من المتشابهات فيستحفل أمرهم ويعظم خطرهم ويكثر التابعون لهم مما يجعل ردهم إلى الحق صعبا ورجوعهم إلى جماعة المسلمين متعذرا جدا وغالبا نهايتهم التي هي سنة الله في الكون تكون على السيف. Donc ici le cheikh il explique que l'égarement lorsqu'elle débute en premier, hein, elle sort dans la umma. Avant de sortir, elle était en secret et c'était un secret qui était discuté entre certaines personnes qui se réunissaient en secret et qui s'assoyaient ensemble avec le shaitan. Et le shaitan leur embellissait le mal qu'il faisait et leur inspirait l'idée que c'est eux qui avaient raison et non pas le reste des musulmans. Et que tous les autres musulmans sont leurs ennemis, hein, dans ce à quoi ils sont parvenus, et ils pensent que leurs idées sont la vérité. Une fois que ces idées-là sont fermement ancrées dans leur cœur, eh bien, ça devient des choses acceptées qui ne peuvent pas être argumentées ni débattues avec eux, parce que pour eux, ce sont des certitudes, et ils partent, et le diable est avec eux, en train de les inciter à propager le faux dans une apparence, hein, qui la fait paraître comme si elle était vraie, et essayer d'égarer les jeunes de la Oumma, ainsi que les musulmans en général. Et ils vont essayer de les confondre dans leur religion avec toutes sortes d'ambiguïtés et de leur faire croire croire que ce qu'ils disent est vrai. Ils vont mentionner par exemple des versets qui sont des versets qui peuvent être interprétés de diverses façons, mais ils ne vont pas se référer aux versets qui sont clairs et explicites. Les versets qu'on appelle les mutashabihat. Al-mutashabihat, ça veut dire des versets qui peuvent être interprétés de diverses manières parce que ce sont des versets équivoques. Et ils se basent sur ces versets-là en dehors des versets explicites et clairs pour confondre les gens dans leur compréhension et dans leur religion et pour leur mettre des doutes et des ambiguïtés. Et c'est pour cette raison-là qu'ils sont un si grand danger parce que leurs affaires se propagent de cette façon-là et ils obtiennent beaucoup de fidèles à cause de ça. Et une fois que c'est rendu à ce point-là, eh bien ça devient extrêmement difficile de les repousser et de les réfuter et de les ramener dans les rangs de la jama'a des musulmans. Et c'est presque impossible une fois que c'est arrivé à ce point-là. Et le cheikh, il dit que la plupart d'entre eux, ils finissent finalement, et ça c'est une règle d'Allah dans la création, ils finissent par avoir recours hein, aux armes et à l'épée pour se révolter contre le dirigeant et les musulmans par la suite. Et le cheikh il dit وَتَأَمَّلْ كَثِيرًا قَوْلَ عُمَرْ ابن عبد العزيز رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا تَرَى أَنَّ أَسَاسَ الْفَسَادِ هو التجمع السري بعيدا عن أنظار جماعة المسلمين وإمامهم فليعرف المسلم أهل الباطل بهذه السمة فليعرف المسلم أهل الباطل بهذه السمة. Donc il dit observe bien hein, la parole de Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah et tu vas voir que la base de la corruption et du désordre c'est dans ces réunions secrètes et dans ces rassemblements secrets loin du regard des musulmans, de l'ensemble des musulmans et de leurs dirigeants. Et tu vas voir que hein, c'est de là que ça découle, hein, c'est de là que ça vient à la base. Et que le musulman sache hein, que si des gens ont cette caractéristique-là, eh bien ça veut dire qu'ils font partie des gens de l'égarement et du faux, en grande partie. Quand des gens ils ont cette tendance de se rassembler. Ils ne vont pas faire leurs cours ou leurs conférences ou leurs réunions dans des mosquées hein, où tous les musulmans peuvent venir s'asseoir et assister et écouter aux paroles qui sont mentionnées. Non, ils vont faire ça dans des endroits fermés, dans des endroits où il n'y a que eux qui vont pouvoir se rassembler pour parler de leurs plans et de leurs stratégies et de leurs égarements pour que les musulmans n'entendent pas ce qu'ils disent. Hein? Et ça, c'est une des preuves de leurs égarements. Et même que beaucoup d'entre eux, c'est justement pour ça qu'ils cherchent à rester en secret, c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire réfuter. Si quelqu'un, par exemple, quand il fait des cours ou des conférences sur la religion, il fait ses conférences de façon ouverte et publique, hein, dans les mosquées, devant les gens, et que ces cours-là sont enregistrés et diffusés sur Internet ou bien dans les réseaux sociaux, les gens peuvent les écouter par la suite. S'il y a des égarements dans ces enseignements-là, au moins des gens pourront hein, ramener ça aux ulama et s'il y a une réfutation à faire, ils vont pouvoir les réfuter et mentionner hein, le faux qu'il y a dans ces choses-là. Sauf que lorsque des gens font des conférences ou des cours en privé, en cachette, et qu'ils parlent de certaines choses qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, et qu'il n'y a personne pour les réfuter, il n'y a personne pour les entendre, alors dans ce cas-là, c'est une porte facile vers l'égarement. Hein? Et c'est comme ça, en général, que ces gens-là font. Et j'ai remarqué ça, moi, quand j'ai vu, par exemple, les groupes qui organisaient des conférences parfois à Montréal, qui sont des gens qui ne sont pas sur la sunna, ils n'invitent pas tout le monde à participer. En général, ils n'invitent que les gens de leur tendance et en même temps aussi, ils n'enregistrent pas leurs conférences pour les diffuser publiquement sur Internet par la suite. On ne peut pas accéder à ces cours-là ouvertement. Il faut plutôt yani, faire partie de leur cercle pour pouvoir les obtenir et pour pouvoir les avoir. Mais sinon, tu ne peux pas les trouver sur Internet. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans leurs enseignements, il y a des égarements et ils ne veulent pas se faire réfuter. Alors, ils gardent ces choses-là en cachette ou en secret, justement pour éviter de se faire réfuter et pour montrer leurs égarements aux musulmans pour avertir contre eux. Hein? Ensuite, le cheikh, il dit « وَلْيَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ التَّجَمُّعَاتِ فَخٌ نَصَبَهُ إِبْلِيسِ يَسْطَادُ بِهِ الْمَسَاكِينَ وَأَنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ التَّجَمُّعَاتِ لَوْ كَانَ مَا عِنْدَهُمْ حَقًّا لَمَا احْتَاجُوا إِلَى التَّخَفِّي عَنْ أَعْيُنِ الْأُمَّةِ وَالتَّسَتُّرِ عَلَى مَا عِنْدَهُمْ بَلْ لَأَذَاعُوهُ وَإِنْ كَانُوا عَلَى صَوَابٍ وَوَافَقَتْهُمُ الْأُمَّةِ وَإِنْ كَانُوا عَلَى خَطَئٍ قَوَّمَتْهُمُ الْأُمَّةِ فَلَمْ يَسْتَرْسِلُوا فِي بَعْطِلِهِمْ. Donc, il dit, le cheikh, justement, comme j'expliquais, il dit que les musulmans sachent que ces réunions et ces rassemblements secrets, eh bien, c'est en réalité des choses que le shaitan utilise pour attraper des pauvres victimes, hein, parmi les gens qui se laissent attraper et attirer par ces rassemblements secrets. Souvent, c'est comme ça. Hein. Tu vas pas trouver, comme je disais, des gens comme ces gens-là qui vont propager leurs affaires de façon claire et ouverte. Hein. Regardez par exemple ceux qui appellent aux idéologies de Daesh, par exemple, ou des idéologies de Al-Qaïda, ou des groupes comme ça. Ou des groupes comme Al-Adl al-Ihsan au Maroc, hein, qui faisaient leur réunion, ils appellent toujours à opposer les dirigeants et le gouvernement. Hey, non. Ou bien que ce soit les Ikhwan en Égypte ou ailleurs, ou dans d'autres pays. C'est toujours la même technique et les mêmes méthodes. Hein? Ils ont toujours des réunions en secret et ils s'organisent et ils essaient de planifier leurs choses pour essayer de prendre le pouvoir. Donc, يعني الجماعة التبليغ يسمونها جماعة التبليغ أصحاب الدعوة يسمون أصحاب الدعوة أعرف هؤلاء الناس يعني هذا في ظاهرهم ولكن حقيقتهم شيء آخر يعني سنتكلم عنهم سنتكلم عن هذه الجماعة إن شاء الله كذلك دونك Pour revenir à l'explication en même temps, parce que ça a un rapport avec qu'est-ce que le frère il vient de nous mentionner, c'est que ces organisations-là, le cheikh dit, si ce qu'ils avaient avec eux, dans leurs prêches ou dans leurs enseignements, si c'était la vérité, hein, eh bien, ils n'auraient pas eu besoin de se cacher. Le Coran, est-ce que le Coran c'est un secret pour les musulmans, dans le sens que est-ce que on peut pas trouver le Coran disponible dans toutes les mosquées pour le lire? Qu'est-ce qui est dedans comme connaissance et comme explication et comme compréhension? Tout ça, on le retrouve. Les livres de tafsir, ils sont là. Les livres de fiqh, ils sont là. Les livres de aqida, ils sont là. Quand on donne des dourous sur ces livres-là, on explique le Coran, on lit les tafsirs, on lit les paroles du ulama, on n'a pas besoin de se cacher pour ça. Mais lorsqu'on commence à dire des choses qui contredisent le Coran et la Sunna, là c'est normal qu'ils ont besoin de se cacher. Mais comme le cheikh il dit, si ce qu'ils ont avec eux, c'est la vérité, ils n'auraient pas besoin de se cacher. Hein? Donc le cheikh il dit, ils se cachent. Hein? Ils ne se cacheraient pas s'ils avaient la vérité. Hein? Ils n'auraient pas eu besoin de se cacher. Ils auraient au contraire diffusé publiquement et ouvertement leurs enseignements et leurs paroles et leurs propos. Hein? S'ils avaient la vérité avec eux, s'ils étaient sur le Coran et la Sunna, la Ummah aurait été d'accord avec eux et aurait accepté tout ce qu'ils disent. Hein? Mais le cheikh, il dit. Si ils ont une erreur ou s'ils se trompent, la Oumma va les corriger. La Oumma va les corriger. Hein? Et par conséquent, ils n'auraient pas pu continuer à persister dans leur fausseté et à s'enfoncer dans leurs égarements. Mais du fait qu'ils se sont cachés et qu'ils font leurs choses en secret, eh bien, ça fait en sorte que justement, ils continuent et ils persistent dans leurs égarements encore plus. Par rapport à certains groupes, comme on a mentionné, que ce soit les groupes des Khawarij comme Daesh ou Al-Qaïda ou par exemple, ou bien par exemple Al-Ikhwan ou bien Al-Adl al-Ihsan ou d'autres groupes comme de ces tendances-là qui opposent les dirigeants, et il y a d'autres groupes ou d'autres organisations qui ne sont pas nécessairement de tendance politique. Hein? Et qui en apparence montrent qu'ils n'ont aucun intérêt avec la politique, mais en réalité, ces groupes-là sont une face de la même pièce de monnaie. C'est ça la vérité. Parce que la pièce de monnaie, elle a deux faces. Hein? Il y a une face et il y a l'autre. Et quand tu regardes ces organisations ou ces groupes-là, celles qui parlent de politique, qui travaille avec celle qui ne parle pas de politique. D'une certaine façon, les deux se réunissent d'une certaine façon pour faire le même travail. De quelle façon? C'est parce que, comme en particulier, le groupe dont le frère a parlé, le groupe qu'on appelle Ashab al-Da'wa, ils les appellent dans certains pays Ashab al-Da'wa, mais leur nom par lequel ils sont connus dans d'autres pays, c'est Jama'at al-Tablir. Et ce groupe-là, en réalité, c'est un groupe qui a été fondé en 1928 en Inde par un homme qui s'appelle Mohamed Elias Al-Kandahlaoui. Mohamed Elias Al-Kandahlaoui, qui était un cheikh soufi de la Tariqa Jistiyya, de l'école des Diobandiyya. Hein, c'est une école en Inde qui est soufi, Hanafi Mutaassib, et en même temps, Turuqi. Yani, il a établi sa jama'a sur une bay'a à quatre turuqs, parmi les turuqs soufiyas. Al-Naqshbandiyya, Al-Saharwardiyya, Al-Jistiyya et Al-Shadhiliyya. Ces quatre turuqs. Et le but de cette jama'a, c'est de réunir tous les soufiyas dans le monde pour opposer la da'wa au Coran et à la Sunna et l'appel au tawhid. Eux, ils montrent en apparence qu'ils ne font qu'appeler les musulmans à venir à la mosquée pour faire la salat, puis apprendre aux musulmans comment faire le wudu. Mais lorsque tu rentres avec cette organisation-là, ils te disent, tu vas sortir avec nous, soit 3 jours, ou 40 jours, ou 4 mois. Hein? Et quand tu sors avec eux, tu dois rentrer dans leur programme. Et tu dois suivre la même formule et la même technique, la même méthode qu'est-ce que eux ils enseignent. Ils ont les sifat as-sab'a. Ils ont dit, il y a 7 sifat, il faut les développer. Et quand tu regardes l'explication de ces sifat, la première, l'explication de la ilaha illallah, ils expliquent la ilaha illallah par la rububiyya. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas tawhid al-ibada ou tawhid al-asma al-sifat. C'est seulement tawhid al-ibada al-rububiyya. De savoir que Allah c'est al-Khaliq, al-Raziq, al-Muhyi, al-Mumit, al-Mudabbir. Yani, ça, ces choses-là, c'est des choses que même les mushrikines de Quraysh, ils avaient acceptées. Hein. Ce n'est pas le tawhid auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les hommes. Puisque ce tawhid-là, il est déjà établi, il est déjà acquis. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça, c'est parmi leurs égarements. Il y a aussi dans leurs trucs beaucoup d'enseignements de Qubouriyya et de Bid'a. Dans leur centre, leur markez, qui est en Inde, ils ont 4 tombes du fondateur et de ses enfants et à l'intérieur de leur mosquée, de leur centre. Et ils ne condamnent pas le shirk et l'adoration des tombes. Ils ne condamnent pas non plus les bid'a. Ils ne vont pas faire. En fait, ils vont beaucoup appeler les gens à faire des choses de bien, mais ils ne vont jamais condamner des choses qui sont haram ou des choses qui sont mauvaises ou de faire al-nahyu anil munkar. Eux, ils disent, nous, on fait juste l'amr bil ma'ruf, mais on ne fait pas al-nahyu anil munkar. Et aussi, tu vas trouver que chez eux, il n'y a pas de réfutation des faussetés ou des bid'a ou des égarements. Donc, c'est une da'wa qui est naqisa et qui a beaucoup de failles et de défaillances dedans et beaucoup d'ignorance aussi, malheureusement. Quelqu'un, il va aller avec eux, par exemple, il vient de commencer à prier, il vient de commencer à apprendre à faire le wudu, ils vont l'amener avec eux 40 jours. Et puis ils vont s'asseoir après la salat pour faire le bayan, hein, et ils vont lui dire, lève-toi et fais le bayan toi aussi. Alors il va répéter des choses, il n'a même pas étudié la religion, il n'a même pas encore appris, et puis il commence déjà à vouloir essayer d'enseigner aux gens des choses sur la religion. Donc, oui, c'est ça, il répète qu'est-ce que les autres ont dit, et peut-être que les autres ont dit des choses qui sont fausses aussi. Et en fait, aussi, le danger de ça, qu'est-ce que les ulama ont mentionné par rapport à ça, c'est que, comme par exemple, j'écoutais une fois Cheikh Al-Fawzan qui a parlé à leur sujet. Il a dit, ces gens-là, quand on commence un dars dans la mosquée, eux, au lieu de rester pour écouter, ils se lèvent et ils sortent. Ça veut dire que eux, ils ont leur propre da'wa et ils veulent pas apprendre avec les ulama et s'asseoir avec les ulama pour étudier le ilm. Non, leur intérêt c'est pas avec le ilm et c'est pas non plus avec les ulama. C'est seulement de pouvoir faire leur méthodologie de da'wa. Et d'ailleurs, le fondateur de cette tariqa, il a dit qu'il a eu cette méthode de da'wa dans un rêve. Il a dit, j'ai vu ça dans un rêve et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, c'est comme ça qu'il faut faire la da'wa, donc moi c'est comme ça que je le fais. Alors que lorsque tu regardes les sahaba, ils n'ont pas utilisé cette méthode. De même que les imams, hein, les grands imams de l'islam, ils n'ont pas suivi cette façon pour faire la da'wa de façon spécifique. De même que yani, les ulama à travers l'histoire. Donc ça c'est quelque chose qui est nouveau, qui est récent dans l'histoire. Et avant Mohamed Elias, il n'y avait pas ce genre de technique ou de méthode-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas encourager les musulmans à venir faire la salat ou à venir à la mosquée ou de leur enseigner comment faire le wudu. Ça, c'est une obligation pour tous les musulmans. Si on est capable de faire ça, on le fait. Mais ce n'est pas nécessaire pour faire ça d'aller avec le groupe qu'on appelle Ashab al-Da'wa ou Jama'at al-Tabligh. Ça, là, c'est de voir chaque parent, il doit faire ça avec sa famille. Chaque musulman, il fait ça. Et le fait d'enseigner ça ou de vouloir faire ça, c'est pas ça qu'on leur reproche. Hein? C'est pas ça qu'on leur reproche en réalité. On ne reproche pas à Jamaat Tablir de dire aux gens, venez à la mosquée. On ne reproche pas à Jamaat Tablir de vouloir enseigner aux gens comment faire la salat ou comment faire le wudu. On leur reproche leur manhaj et leur méthodologie et le fait qu'ils ne se concentrent pas sur ce sur quoi les messagers se sont concentrés, c'est-à-dire de se concentrer sur la da'wa au tawhid et de rappeler les gens à la sunna et de combattre le shirk et de combattre les innovations et les bid'ah, comme le faisaient les prophètes et les sahaba et les ulama de l'islam. Donc, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond que ça. Ils ne sont pas formés dans ça, mais en même temps, ils ne veulent pas non plus se former. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas apprendre l'aqida et apprendre le tawhid. Pourquoi? Parce que déjà, Diobandiya, dans leur aqida, eux, ils sont maturidiya. Ils ont une aqida maturidiya. Et al-maturidiya, c'est la même tendance que ilm al-kalam, al-ash'ariya. Donc, par rapport à cette aqida, ils ne vont pas accepter l'explication des ulama, des salafs, sur les questions d'aqida. Ils vont se baser sur ça seulement. C'est ça le problème. Donc, c'est pour cette raison-là que tu vas voir qu'ils ne veulent pas rentrer dans les détails. Ils disent non, si on parle du tawhid, ça va diviser les musulmans. Ils disent ça. Mais si le tawhid nous divise, alors, il n'y a plus rien qui peut nous unir. Exactement, exactement. Donc, et il y a le cheikh, comment il s'appelle? Le cheikh Taqiyuddin al-Hilali, qui était un cheikh marocain, mashallah, qui était sur la sunna, un cheikh, mashallah, salafi marocain, qui a écrit des livres, et plusieurs livres, mashallah, et dans un de ses livres, justement, il a réfuté Jamaat Tablir, et certaines de leurs idées aussi. Donc ça, c'est une bonne référence si vous voulez avoir plus de connaissances. Cheikh Taqiyuddin al-Hilali. Naam, un grand alim marocain, il est décédé, rahimahullah, mais il a écrit plusieurs livres, et il a fait beaucoup d'ouvrages. Et naam, donc, naam, Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, al-Maghribi. Il a enseigné à l'université islamique de Médine à l'époque de Cheikh Ben Baz. Il était un ami, Cheikh Taqiyuddin al-Hilali. Taqiyuddin al-Hilali. Il a même des audios aussi. Cheikh Taqiyuddin al-Hilali. لا ليس متخرج هو كان شيخا عالما كان يدرس في الجامعة هل درس في المغرب؟ درس في المغرب، نعم، ودرس في غير المغرب كذلك، درس مع علماء كبار في العالم في العراق وفي السعودية وفي دول كثيرة، كان يتكلم الإنجليزي والفرنسية والألمانية، وكان عالما في اللغة في العربية، ما شاء الله. Donc c'est pour ça le cheikh Taqiyuddin al-Hilali rahimahullah, donc il fait partie des ulama, parmi les ulama de notre époque qui ont défendu la sunna et qui ont réfuté beaucoup d'égarements. Et lui-même, il a mentionné qu'il a eu une éducation à la base, il était dans la tariqa Tijaniya et il faisait partie des gens qui ont pris même yani beaucoup de degrés dans la tariqa Tijaniya. Puis par la suite, il a connu la sunna et il a rejeté ça et il est revenu à la sunna et il a réfuté par la suite Naam Tijaniya. Il a même écrit un livre sur ça. Donc c'est pour ça que, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le tawfiq de connaître la vérité, puis de la défendre. Et donc, rahimahullah, il a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Donc moi, je vous conseille de lire ces livres, d'écouter ces audios. Eh, na'am, na'am, inshallah. Mouafikoum baraka, inshallah. Ah, mashallah, mashallah. Eh, na'am, na'am, mashallah. Donc, où est-ce qu'on était rendu maintenant? Ok, donc c'est ça. On était rendu ici. Le cheikh, il explique, il dit donc que si ces gens-là, qu'est-ce qu'ils enseignaient, c'était la vérité, ils n'auraient pas eu besoin de se cacher pour dire qu'est-ce qu'ils disent. Hein? Et s'ils étaient dans l'erreur, eh ben, ils auraient été corrigés au moins parce que leur parole, elle est publique. Tandis que lorsqu'ils font des choses en secret et en cachette, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a personne pour les remettre sur le droit chemin s'ils font une erreur. Et le cheikh, il dit... وكن على حذر شديد من أولئك الذين يحتجون على تجمعاتهم السرية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا في مكة سرا أول أمره فإن هذه الحجة باطلة إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصدع بالدين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فصدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في مكة بين المشركين وأصابه ما أصابه من أذى فصبر وأصاب أصحابه ما أصابهم من أذى فصبروا فالأمر بالصدع فيه النهي عن السرية. Donc le cheikh il explique que il faut que tu fasses très très attention vis-à-vis de ceux qui essaient d'utiliser comme argument pour justifier les réunions secrètes qu'ils font, l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam au début à Mecca, lorsqu'il commençait sa da'wa et qu'il se réunissait en secret avec certains d'entre les sahaba, cet argument, le cheikh il dit, elle est fausse, parce que par la suite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné par Allah d'appeler à la religion de façon ouverte, hein, et de diffuser et de divulguer la vérité, hein. Et il a cité le verset 94 dans sourate Al-Hijr par la suite, justement dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit fasda bima tu'mar, hein. Donc qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ça veut dire, yani, expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des mushrikines. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a exposé ouvertement la da'wa à Mecca parmi les mushrikines et il a été atteint par beaucoup de nuisances de la part des mushrikines à cause de sa da'wa. Mais il a été endurant, il a été patient, il a supporté ces nuisances-là et les insultes. Et les Sahaba, radiyallahu anhum, ont eux aussi subi beaucoup de nuisances de la part des mushrikines, et certains ont été tués, certains ont été torturés, et d'autres ont été insultés ou frappés. Et ils ont été patients et ils ont continué même à divulguer le message de l'islam. Abu Dharr, comme le frère, il mentionne que lorsqu'il a divulgué son islam, il a dit La ilaha illallah, et à ce moment-là, yani, ils l'ont frappé, ils l'ont insulté. Et j'avais lu une histoire aussi à propos de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, si je me souviens à quel endroit je l'avais traduit cette parole. Mais c'était une histoire de Abdullah ibn Mas'ud. Je pense que je l'ai ici. Attendez, si je peux la retrouver. C'est l'histoire du premier sahabi qui a. Le premier sahabi qui avait lu le Coran à haute voix à Mecca devant les mushrikines. Et c'était, je pense, justement Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Et lorsqu'il l'a fait. Ouais, je l'ai trouvé justement. L'histoire d'Abdullah ibn Mas'ud, il dit, le premier qui à Mecca a lu le Coran à haute voix devant les kuffars après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le sahabi Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, les compagnons du messager d'Allah se sont réunis un jour et ont dit, par Allah, la tribu de Quraysh n'a pas du tout entendu ce Coran être récité à haute voix. Quel homme va donc leur faire entendre? Abdullah ibn Mas'ud dit, moi. Ils dirent, nous craignons pour toi. Nous voulons uniquement un homme qui a une famille forte pour le défendre contre ces gens, si jamais ils veulent lui faire du mal. Il dit, laissez-moi. Allah va me défendre. Alors il dit, Abdullah ibn Mas'ud est donc parti dans la matinée jusqu'à ce qu'il arrive à Maqam Ibrahim. Et Quraysh était dans leur lieu de réunion et il se leva. Hein, vers le maqam et se mit à réciter Sourate Ar-Rahman à haute voix. Il se tourna vers eux en récitant et ils se mirent à réfléchir à ce qu'il récitait et se mirent à dire Que dit Ibn Ummi Abd? Parce que ça, c'est son surnom, Ibn Ummi Abd. Hein? Puis ils dirent Il est en train de réciter une partie de ce qu'a ramené Mohammed. Ils se ruèrent vers lui et se mirent à le frapper au visage. Il continua à réciter jusqu'à ce qu'il eût atteint ce que Allah voulut hein, de cette sourate. Puis il retourna vers les compagnons avec des marques au visage. Ils lui dirent, voilà ce que nous avions craint pour toi. Hein? Il dit, les ennemis d'Allah n'ont jamais été plus insignifiants pour moi que maintenant. Voulez-vous que je recommence demain matin? Ils dirent, cela est suffisant, tu leur as certes fait entendre ce qu'ils détestent. Donc ça, c'était l'exemple des nuisances de la part des koufars, yani, qui n'aimaient pas entendre la parole d'Allah. Hein? Hein? Donc, ils n'écoutaient pas le Coran. Ils disaient aux gens, n'écoutez pas le Coran et faites du bruit pour que les gens ne l'entendent pas quand il est récité. Allah al-Musta'an. Donc, ça, c'est des exemples comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a ordonné d'exposer le message de la vérité. Et à partir de ce moment-là, ça consiste, ou bien ça, c'est en fait une interdiction de faire la da'wah en secret, si on veut. Ou bien plutôt, de ne pas utiliser le secret par la suite comme une méthode, ou bien comme une méthodologie. Contrairement à ce que ces groupes-là ou ces individus-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent justement appeler à un égarement, ils se réunissent en secret. Et ils utilisent, comme je disais, ils ne se réunissent pas dans les mosquées pour faire les cours devant les gens ou pour faire des cours enregistrés qu'ils diffusent par la suite dans les réseaux sociaux ou bien sur Internet pour que les gens puissent entendre ce qu'ils disent. Non, ils le font en secret. Et j'ai remarqué parfois dans des groupes à Montréal, certains individus qui ont ces tendances-là, ils ne vont pas justement faire des choses de façon publique ou ouverte, mais ils vont utiliser des occasions Par exemple, organiser des activités de sport, organiser des activités par exemple, de barbecue ou aller, par exemple, en camping pendant quelques jours, comme ça, à l'extérieur. Puis pendant ces périodes-là, ils en profitent pour essayer justement d'attirer les jeunes, faire des activités avec eux, puis de leur parler pendant ces moments-là de leurs idées pour essayer de les influencer. Hein, puis ils ont leur façon et leur technique pour faire accepter aux jeunes leurs idées sans même que les jeunes s'en aperçoivent parfois. Hein? Et ensuite, le cheikh, il dit, وَقَدْ أَخْرَجَ إِبْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني قال أعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر فلا يقولن رجل اليوم تأييدا للعمل السري في الدعوة إن جماعة المسلمين الآن في جاهلية كالجاهلية الأولى إلا وهو منطو على التكفير وقد تميز غيظا على هذه الأمة فعميت بصيرته عما فيها من خير وصلاح واستقامة حال فغذى متألما مما هي فيه من نعمة فأجلب على تفريقها بهذه المقولة وأشباهها وما علم أن الله له بالمرصاد وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Le cheikh, il explique que ensuite il y a une narration qui est rapportée dans As-Sunnah de Ibn Abi Asim. Alors, Spahani, rahimahullah, il a un livre justement sur la sunna. Et dans ce livre-là, il rapporte ce hadith. Hein, ce hadith qui est rapporté selon Ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, qu'un homme est venu voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ô messager d'Allah, awsini, hein, c'est-à-dire donne-moi yani, des conseils, ou bien qu'est-ce que tu me conseilles, yani, dans ma religion. Alors, il a dit, adore Allah et ne fais pas de shirk en associant quoi que ce soit avec lui. Établis ta salat, donne la zakat, fais le jeûne du ramadan, fais le hajj hein, à la maison, c'est-à-dire à la Kaaba, et fais la umrah. Écoute et obéis, c'est-à-dire écoute et obéis aux dirigeants. Et ça, c'est-à-dire dans le bien, bien entendu. Et il dit, wa alayka bil alaniya, je t'enjoins. Hein, de faire tes choses ou de dire les choses de façon ouverte et divulguée et ne pas cacher, hein, de ne pas faire les choses en secret. Hein, je t'avertis contre le secret et la cachotterie, hein, le faire les choses en cachette. Comme le font par exemple les gens de l'égarement. Et le cheikh Abdussalam, il dit ici, alors que quelqu'un, un homme ne dise pas aujourd'hui, par exemple, pour essayer de justifier ses activités secrètes dans la da'wah, que de dire que, oh, mais aujourd'hui, les musulmans, on est revenu à la jahiliya comme à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'est-à-dire on est revenu à une époque pré-islamique, comme à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut revenir à la méthode secrète aussi maintenant. Alors qu'ils vivent dans des pays musulmans, ces gens-là. Hein? Ils vivent dans des pays musulmans où on entend le adhan, où il y a les mosquées, où les gens font la salat, où les gens ils font le ramadan. Et eux, ils disent, on vit dans la jahiliya. Quelle jahiliya? Ça, c'est pas la jahiliya. Hein? Mais c'est parce qu'ils ne voient que le mal. Il y a beaucoup de gens comme ça, malheureusement. Ils ne voient que le mal dans les pays musulmans. Ils ne voient pas le bien. Ils ne voient que les péchés. Ils ne voient pas les bonnes choses. Alors, ils tombent par la suite, petit à petit, ils vont vers le takfir. quand ils ont cette mentalité-là ou cette idéologie-là de dire, oh, on est dans la djahiliya, il n'y a que, y a que des péchés et du kofr et de l'égarement, on vit dans des pays de djahiliya. Donc, ils comparent les pays musulmans à des pays qui étaient dans l'époque pré-islamique avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est du rouleau, c'est de l'exagération et de l'extrémisme. Et le cheikh, il dit, leurs yeux ont été fermés de voir tout le bien qui existe et la droiture qui existe chez les musulmans et dans les pays musulmans. Ils ne voient aucune grâce et aucun bienfait dans ces pays-là. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ils ne voient que du mal, que des choses négatives, que des choses noires et sombres. Donc, c'est ça qui est malheureux, Yanni. Hein? Moi, j'ai rencontré beaucoup de musulmans comme ça, et quand ils me parlent de leur pays, ils me disent, ah, dans nos pays, il n'y a que du mal, il n'y a que des péchés, il n'y a que des riches, il n'y a que des choses. Je dis, comment ça? Hein? Moi, je suis allé dans son pays, puis je n'ai pas vu ça. Ou bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas des péchés. Il y en a dans tous les pays, il y a des péchés. Mais j'ai vu beaucoup de bien. Comme si lui, il n'a pas vu ce bien-là. Nasrallah al-afiya. Ça veut dire que des fois, le cœur, il est malade. Il voit que le mal. Eh non, c'est ça. Exactement. C'est ça. Ils voient que leur jama'a ou leur groupe, c'est seulement eux qui sont sur la vérité, puis le reste de la société sont tous dans l'égarement, à part eux. Et ça, c'est une porte ouverte vers le danger et l'égarement quand les gens pensent de cette façon-là, parce qu'ils risquent de tomber par la suite dans le takfir et d'appeler à la rébellion, à la révolte. Puis après, ils prennent les armes et puis ils commencent à faire des guerres civiles à cause de ça. Et donc, le cheikh, il dit, il n'y a pas de doute que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est aux aguets de ce que ces gens-là font. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 52 dans sourate Yusuf, hein, wa anna Allah la yahdi kayd al-kha'inin. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les ruses des traîtres, hein. Et il dit ensuite, fama abtala qiyasahu hadha wa ma ashbahahu bi qiyasi iblis hinama qala fi ma haka Allahu anhu qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Hein, وبطلان هذا بحمد الله مسلم عند كل ذي عقل ودين وقلب سليم فلا تنطلي بعد إذ حكايات أكبر أعاذنا الله عز وجل وسائر المسلمين من شرورهم. Donc le cheikh il dit, comme il est faux leur analogie, hein, et leur comparaison, et elle ressemble à l'analogie du diable, Iblis, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran, lorsqu'il a voulu dire qu'il était meilleur que Adam. Hein, il a dit, tu m'as créé de feu. Et tu as créé Adam de terre en voulant dire, je suis meilleur que lui parce que lui, il est de terre et moi, je suis de feu. Alors, qu'est-ce qui lui dit que le feu est meilleur que la terre? Hein? C'est quoi la preuve pour justifier que le feu est meilleur que la terre? Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui montrent que la terre, elle est mieux que le feu dans beaucoup de choses. Hein? Le feu, ça détruit. La terre... Au contraire, la terre, ça construit. Hein, on construit sur la terre et on bâtit sur la terre. On utilise la terre pour planter des légumes et des fruits et des plantes et des arbres. Tandis que avec le feu, qu'est-ce qu'on fait? On détruit. On peut faire des bonnes choses avec le feu. On peut réchauffer, on peut hein, s'éclairer, mais aussi on peut faire d'autres choses. Donc, tout ça pour dire que cette analogie, elle est vraiment faible. Hein, elle est vraiment faible. Hein, et le cheikh, il dit, la fausseté de cet argument par la grâce d'Allah, elle est connue de toute personne raisonnable qui détient une religion et qui a un cœur qui est saint. Et il dit, donc on voit clairement que les arguments des gens des associations ou des groupes secrets comme ça, là, hein, eh ben, c'est ces groupes-là dans les pays musulmans aujourd'hui qui comparent les sociétés musulmanes à des pays de Jahiliya, hein, eh bien, ça, c'est pour essayer de justifier leur fausseté et défendre leur passion. Et ce que leur cœur ou leur poitrine cache est plus grand encore, hein, comme haine qu'ils ont contre les musulmans. Et que Allah nous préserve ainsi que tous les musulmans du mal que ces gens-là peuvent y a un effet ou diffuser. Et vous savez qu'il y a aussi des groupes comme ça qui sont des groupes secrets et qui s'organisent en secret. Parmi eux, il y a des groupes, en dehors des groupes qui sont de tendance soi-disant islamiste ou qui se disent islamiques, il y a aussi des groupes qui sont comme, politiques ou laïques, hein, et qui ne se réclament pas de la religion nécessairement. Ils disent pas qu'ils sont religieux ou qu'ils parlent au nom de la religion, mais qui ont eux aussi des idéologies et des pensées qui sont aussi dangereuses et aussi graves que ceux-là. Et donc, il faut faire attention à ça aussi. Comme par exemple les francs-maçons. Hein, les francs-maçons, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des groupes comme ça qui sont des groupes secrets et ils ont leur code et comment on l'appelle? Ils ont leur symbole, leur code, leur mot de passe secret. Oui, bon, c'est pas des codes d'éthique, c'est en tout cas toutes sortes de trucs. Mais c'est pour dire que ces gens-là aussi, ils sont des gens qui font le désordre. Et donc, il faut se méfier aussi d'eux et faire attention à ça. Il y a des musulmans qui disent, non, c'est pas de la religion, donc c'est pas grave, on peut rentrer là-dedans. Non, il faut faire attention à ça. Parce que ces gens-là, ils cachent quelque chose. Et je connais des gens même dans ma famille, du côté de mon père, qui sont dans cette organisation-là. Ils ont grandi là-dedans, parce que c'était dans la famille. Ils disent, non, non, moi j'étais là-dedans, j'ai rien vu de mauvais là-dedans. Et bon, eux, ils ne sont pas musulmans, donc ils ne comprennent pas nécessairement les contradictions avec l'islam. Mais en même temps aussi, j'ai dit, oui, mais toi, tu étais à quel degré là-dedans? Parce qu'il y a 33 degrés dans la franc-maçonnerie. Donc si tu es au premier degré, bien, la personne qui est au premier degré, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième. Et la personne qui est dans le deuxième degré, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le troisième. Donc, à chaque degré, à chaque degré, tu vas apprendre des choses ou on te cache des choses quand tu es en bas. Donc, ça veut dire que tu peux penser au début que c'est quelque chose de bien, hein, mais quand tu arrives en haut, après, tu réalises que c'est autre chose. Hein, parce que j'écoutais une fois, il y en avait un franc-maçon, justement, il parlait dans une conférence sur YouTube et il disait les mêmes formules sont utilisés pour les débutants, puis les gens qui sont plus avancés. Sauf que l'explication et l'interprétation de ces formules pour les débutants, ce n'est pas la même signification que pour les gens qui sont plus élevés, plus avancés. Donc ça veut dire que ils changent la compréhension et l'interprétation de ces termes ou de ces mots de passe ou de ces codes au fur et à mesure qu'ils évoluent dans leur truc. Donc c'est pour ça que leur affaire en réalité c'est basé sur le secret. Tandis que dans l'islam, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de secret. La religion d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné aux sahaba et Aïcha radiallahu anha justement elle dit dans le hadith, si quelqu'un pense que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a caché quelque chose, hein, de la religion, alors il a menti sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien caché. Tout ce que Allah lui a révélé, il l'a transmis. Hein? Ensuite, il dit: Fal-hadar al-hadar min at-tajammu'at as-sirriyya ala ayyi sifatin kanat, hatta walau kana shi'aruha al-ilm al-shar'i wa ad-da'wati ila Allah wa al-amr bil-ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Fa-munzu أن صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى يومنا هذا ودين الله قائم والخليفة المسلم قائم فلا حاجة إلى السرية ولا ضرورة بل هي إثم مبين وحوب كبير وفتنة مضلة كتب عبد الملك كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج صف لي الفتنة حتى كأني أراها رأي العين فقال فكتب إليه لو كنت شاعرا لوصفتها لك في شعري ولكني أصفها لك بمبلغ رأيي وعلمي الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى يعني ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس donc il dit donc faites attention à ces organisations, à ces réunions secrètes, peu importe la caractéristique ou la forme qu'elles prennent, que ça peut prendre, et même si leur slogan c'est la science religieuse, la da'wa ou l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal, parce que ça c'est des choses qui peuvent parfois être trompeuses. Hein? Des gens comme ça aujourd'hui, ils prétendent vouloir ordonner le bien, interdire le mal, ils utilisent ça comme un prétexte pour yani, faire des révoltes et des rébellions. Après, il dit, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a propagé la da'wah jusqu'à notre époque, hein, la religion elle est restée établie. Hein, et il y a toujours eu les dirigeants musulmans dans les pays musulmans, et on n'a donc pas besoin d'avoir recours à une méthode secrète ou à des da'wah en cachette. Et en réalité, c'est un grand péché et c'est une fitna, hein, qui égare. Et Abdul Malik ibn Marwan, un des khulafa de l'époque, il a écrit à Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Il a dit, décris-moi la fitna comme si je la verrais avec, comme si je la voyais avec mes yeux. Il a dit, si j'étais poète, je l'aurais décrit dans mon poème. Hein? Mais il dit, je ne suis pas poète. Alors, je vais te la décrire selon mon opinion et selon ma connaissance. Et il dit Al-fitnatu talqahu bin najwa wa tantuju bishakwa. Donc c'est comme si elle commence par les paroles secrètes et elle a comme résultat les plaintes et les plaintes et les reproches. Ça commence comme ça, des paroles secrètes, les choses que les gens se disent en secret. Tu vois que beaucoup de jeunes, tu vois, quand il y a eu des révoltes, des manifestations, des problèmes dans les pays musulmans, les gens, comment vous pensez que du jour au lendemain, ils se réunissent et ils disent « Ah, on sort dans la rue, hein? On va faire la manifestation, on va faire la manifestation ou la révolution, des choses comme ça. » Ça ne commence pas comme ça du jour au lendemain, non. Il y a des gens qui parlent et il y a des gens qui critiquent les dirigeants en cachette, ils ne le font pas en public. Hein? Comme par exemple, il y en a qui le font en public, ils vont se monter sur le minbar ou bien ils vont parler contre le dirigeant, parler contre l'État et ils critiquent l'État et des choses comme ça. Ça attise le feu de la fitna. Mais il y en a qui disent « Ah, mais moi, je ne le fais pas en public, mais je le fais en privé. » Il le fait chez lui, devant sa femme, devant ses enfants. Les enfants, ils grandissent avec le feu dans leur cœur, hein, contre les dirigeants et contre l'État. Après, plus tard, tu les vois, les gens qui sortent dans la rue, tu te dis « Mais d'où est-ce qu'elle vient toute cette colère et cette rage et cette haine ?» Ben, parce que les parents, ils ont éduqué leurs enfants sur ça. Donc, c'est normal que le résultat et le fruit, le résultat, c'est ça. Pourtant, on n'entendait rien. On n'entendait rien dans la rue, dans les endroits publics. Personne ne parle contre l'État ni le dirigeant. Mais comment ça se fait que les gens ont cette haine et cette rage? Parce que c'est en dessous le feu, à la maison, en secret, les gens, ils font ça. Et ils pensent que parce qu'ils le font en secret, c'est moins grave. Mais Allah, il les entend et il sait qu'est-ce qu'ils racontent, même quand ils sont en secret. Et ça, c'est pas correct. Mais si c'est bil qalb, par exemple, le dirigeant il fait quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de donner la nasiha. Ça, c'est la façon que Allah nous a enseigné et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et la nasiha dans l'islam, comme on l'a déjà expliqué, il faut que ce soit avec sincérité. Et il faut que ce soit vraiment pour Allah. Donc, si toi, tu veux faire le bon conseil aux dirigeants ou à l'État, il n'y a rien qui t'empêche dans l'islam de leur faire parvenir ton conseil et de leur faire part de tes opinions ou de tes points de vue pour essayer de les aider. S'ils acceptent, alhamdoulilah, s'ils n'acceptent pas, tu as fait ton devoir. Au jour de la résurrection, toi, tu as fait ce qui était obligatoire pour toi. Mais tu leur fais parvenir, il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Il y a des ministères, il y a des ministres, il y a des députés, il y a des gens, tu leur écris une lettre en privé. Tu le mets ça dans une enveloppe, tu vas aller voir. Ça, j'ai une nasiha pour vous. Ça, c'est pour vous. Tu peux mettre ton nom, il n'y a aucun problème. Hein? Si ta nasiha, elle est pour Allah, tu dois être prêt à subir les conséquences qui viennent avec. Mais si tu n'es pas prêt à le faire, ça veut dire soit que tu es lâche ou soit que tu n'es pas sincère. D'accord? Et en principe, si ta nasiha, elle est faite avec respect et elle est faite de la manière billati hiya ahsan. Il n'y a pas de raison, en principe, pour que ça ait des répercussions. Sauf si tu es impoli, grossier, tu insultes ou tu dis des paroles dures. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Moussa alayhi salam lorsqu'il va voir Pharaon, faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Même Pharaon, qui est le plus grand tyran qui a jamais été. Hein? Et Allah lui a ordonné à Moussa et à Haroun d'utiliser la douceur avec lui. Donc, les dirigeants musulmans encore plus. Mais bon, si tu n'es pas capable de faire ça, et que tu n'es pas capable de le dire, ou de l'écrire, ou de le faire avec ta main ou avec ta langue, alors tu le fais dans ton cœur. Ça, c'est le minimum de la foi. Mais si tu le fais avec ta langue dans ta maison, avec tes enfants, tu leur critiques le dirigeant devant eux. Non, là, c'est pas correct. Si tu veux critiquer un péché, de façon générale, tu as le droit de le faire. Tu dis devant tes enfants, tu dis, vous savez, mes enfants, hein, par exemple, tel péché, ça c'est haram. Le riba, c'est haram. L'alcool, c'est haram. Ça, c'est haram. Ça, c'est... Tu leur dis, sans rattacher ça aux dirigeants ou à l'État. Comme ça, les enfants, ils vont savoir, ça c'est un péché. Puis tu leur dis, peu importe qui le fait, c'est pas parce que tel ou tel il le fait que ça veut dire que c'est correct. Mais tu vas pas rattacher ça aux dirigeants parce que si tu le rattaches aux dirigeants, ça va directement être un affrontement ou une attaque ou une critique. Mais si tu le fais de façon générale, dans ce cas-là, c'est clair que c'est un péché. C'est-à-dire que si tu critiques le péché de façon générale, là, ça va éviter la fitna, inshallah. Donc, pourquoi on dit ça? Tout ça, c'est pour expliquer que yani, le but et l'objectif à la fin, c'est que les dirigeants, inshallah, se rapprochent de qu'est-ce qui est bien, de qu'est-ce qui est mieux, puis qu'ils se corrigent et qu'ils se réforment parce qu'ils sont nos frères en islam. Même si, hein, ils sont nos frères en islam, puis de la même manière qu'on doit donner la nasiha à nos parents ou à nos proches ou à nos amis, eh bien, on doit aussi donner la nasiha à nos dirigeants parce que on a ce devoir-là envers eux, hein, en tant que musulmans. Bon, on va continuer le prochain cours, inshallah, même s'il y aurait beaucoup d'autres petits détails à expliquer en même temps. Mais bon, on ne peut pas tout expliquer de la première fois. Mais c'est ça ce que j'ai remarqué. Beaucoup de gens, ils ont éduqué leurs enfants avec la haine dans leur cœur pour leurs dirigeants. Puis, ils ne leur ont pas enseigné la méthode prophétique pour comment régler les problèmes. Donc, si c'est comme ça, tu vois, après, ce n'est pas étonnant de voir que les jeunes, ils sortent comme ils sont maintenant. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم